Êtes à l'écoute de Fraîcheur Radio Communautaire KFAI 90.3 FM, Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Le programme que vous entendez, bonjour Minnesota. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Caryl. Et... Bonsoir Caryl. Je m'appelle Dana. Et notre invité. Notre invité spécial, c'est... Bonjour Malo. Malo. Mm-hmm. Et le nom de famille, c'est Leden. Mm-hmm. J'étais déjà venue ici en novembre. Donc oui. Voilà, je reviens. Oui, il était déjà un invité, mais ce soir, il a des chansons qu'il aime lui-même, qui sont des chansons plutôt écoutées par lui et ses amis, n'est-ce pas? J'ai apporté des chansons, oui. Alors, j'ai un gros répertoire. J'ai des chansons qu'on va écouter, des chansons modernes et comme d'autres types de chansons plus anciennes. Donc on va voir. All right, so our special guest tonight is Malo, who's brought in a great selection of songs. Could you tell us where you're from, for the listeners that weren't listening the last time you were here? Alors, je viens de France et de Bretagne, tout particulièrement du Finistère, dans la petite ville de Fouesnant, donc c'est tout près de Quimper. J'habite près de la mer et je suis ici pour un an en tant qu'élève d'échange. And so the Brittany, the Finistère area around the cliffs of Brittany and the western coast of France. C'est ça. Mm-hmm. All right. Et vous êtes ici pour quelle raison, Malo? What brought you here? Je suis ici pour un an. En tant qu'élève d'échange, et donc j'ai passé 10 mois à Minneapolis, et là il me reste plus que 6 jours à passer à Minnesota, donc 6 jours. J'ai essayé d'en profiter un maximum. Partir. Avant, je dois partir, ça se termine. C'est la rentrée. Ouais, c'est dommage, mais enfin bon, faut bien que ça se termine. Ah, un c'est jour. Mélangé parce que toi tu peux voir dans la famille et des amis là-bas, n'est-ce pas? Mais mm-hmm. Il faut dire au revoir à tant d'amis ici. Oui, il va falloir dire au revoir. Comme je dis, quand on est élève d'échange, on est triste quand on quitte la France. Et puis on est triste quand on quitte le pays dans lequel on a passé un an. Quoi. Mais bon, pendant ces 10 mois, entre les deux, on est content. Donc c'est quand même pas mal. What have you missed the most being an exchange student here in the... time period, 10 months? Or... Oh, je sais pas trop. Je dirais peut-être la nourriture. La nourriture, oui. La nourriture me manque beaucoup. Maybe le fromage. Which cheese? I knew you were going to say that. Which cheese do you miss the most? Oh, le comté. Le comté. C'est comme le gruyère, mais c'est un peu plus dur et il y a du sel dedans. Et c'est super bon. Quand les petits grains de sel, c'est très bon. Puis la viande aussi. Oh, et parmi les mets américains, qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce que tu as eu des préférences de certaines choses pour certaines choses qu'on n'a pas en France? Chez les gens, j'ai beaucoup aimé les gens sont très très chaleureux ici. Ça c'était super. C'est pas compliqué de s'intégrer et puis on se sent pas seul très longtemps. Les gens viennent très facilement vers Ils sont venus très facilement vers moi et dès le premier jour, je me suis fait des amis. Je suis pas resté tout seul. C'était vraiment super. Donc, j'ai vraiment des bons souvenirs cette année. Je me suis fait des bons amis que j'espère garder longtemps encore. Et puis j'ai une super famille d'accueil. C'est vraiment une magnifique année. Maybe a little translation there. So of course you speak English too. Okay. Malo says that being here in the United States. Oh, let him talk. Okay, go ahead. Okay. Yeah, he speaks English. English. So. Yeah. People are wonderful here. Like, I met them, like, really quickly. I wasn't alone for a long time. I would just, like, in the first day at school, I got friends really quickly. They were just like so sweet with me, and then I hope I'm gonna keep those friends for a long time, and it's gonna be really cool. And my host family is really nice too. So it was a wonderful year. Just get a lot of. Did you learn a lot of English? I think so. I hope so. Yeah, yeah. I think I'm much better than before. I don't know if I can say I'm bilingual, but I'm better. Yeah, for sure. Well, did you learn English, British, French, or? In France, mm-hmm. we learn British English. So sometimes British here English. I use like some word that they don't know here, and I'm just like, I don't know what to say. But you know, I don't know. Some in France, when you during the English class, if you talk like with American words, they can understand you. But they mostly we use like British English, mm-hmm. because it's closer, much closer. Yes. Well, how about a song? Okay. Alors, j'ai une chanson à propos du Finistère. Hang on one second. Une chanson qui parle du Finistère et les auteurs sont les Innocents. Et le nom de la chanson s'appelle L'autre Finistère. Et donc, dans cette chanson, il va parler de son aventure dans le Finistère et ce qu'il a appris pendant cette période qu'il a passée là-bas. Donc c'est une belle chanson. So what's the English title or the L'autre Finistère, The Other Finistère. The Other Finistère. By Les Innocents. Mm-hmm. Yeah. Okay, here we go. Comprendras-tu, ma belle, qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi. Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter aux vers, au retour nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir sourd. Il est à l'estuaire, à nos fleuves de soupirs, où l'eau mêle nos mystères. Bien sûr, on se figure que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses, des jardins fertiles. de fête pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les zones des autres t'aiment, t'es drôle de poème, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes et viens avec moi. KFAI is dancing to Bollywood on the Indian music and culture show, Sangam. What Bollywood and this spirit does is bringing people together where there's no judgment. It's just like happiness that flows. So you start going once and then it gets into your blood and you cannot stop. You can't stop. No. Okay. KFAI is community. We're glad you're here. Stay connected on the air and at kfai.org. All right. Who are we listening to? Alors, la dernière chanson, c'était Véronique Sanson qui chante chanson sur ma drôle de vie. That, in English, that's Véronique Sanson, and she sang for you Song of My Strange, Funny Life. Mm-hmm. And before that, again, that was the Innocents. Les Innocents, L'autre Finistère. C'est une chanson qui parle du Finistère. L'endroit où j'habite en France. Okay. Well, that first one was The Innocents, and the song title was The Other Finisterre, the region right where he comes from. So what are they, where do they operate? I mean, are they in Brittany, or are they from Paris mostly, or the... Actually, I don't know. I don't know. It's not like a new song. It was probably like 2000, 2002, something like this. So I don't know if there's in Brittany or Paris. All right. Mm-hmm. And while you were here, did you get a chance to see some of the Minnesota local music? Not really. I went to Stromae concert in Minneapolis in September, October. Yeah. That was really cool. So, who was the concert? Stromae. Oh, Stromae. Mm-hmm. He's coming back too. C'est ce que j'ai entendu. C'était assez marrant de le voir ici. Quand on sait qu'il est belge et puis que je l'avais déjà vu en France, alors le revoir à Minneapolis, juste un mois après que j'arrive, c'était marrant. Mais c'était super aussi. Le concert était très très bien. Are you going to make it home in time for the Fête de la Musique? Je crois Non, je ne serai pas rentrée. 21st, I think, or 22nd. Oh. Which one is that? Fête de la musique, the national music day in France. Big thing in France. Yeah, so where? In it's all over the entire country. Yeah, sure. In every city, there's like these bands that they just come and sing. It's pretty cool. It's a really cool place to go if you can. But no, I don't think I could go there. What, to Fête de la musique? Mm-hmm. Or? No, I won't be there. So no, you won't be back in time for it. Mm, but I will go to a festival really famous in Brittany. Its name is Les Vieilles Charrues. Oh. And there's a lot of famous singers who go there. We had Lionel Richie this Lionel year. Lionel Richie? Mm-hmm. And someone else. I saw, what's his name already? I forgot. Really famous singer. I saw Stromae last year over there, and this year we'll have David Guetta. The DJ. Mm-hmm. And so it's a really cool place to go. There's so many people. It's so fun. So. Is it bigger than Le Transmusical? Yeah, much bigger. Okay. Where is it held? It's in Brittany. Carré. Carré. La ville de Carré. Uh-huh. A very famous festival for our listeners that are held in Brittany. Probably everyone. I mean, in France, a lot of people know it. In Brittany, almost everyone knows it. It's big. It's a big thing. When does that take place? It's in July for 5 days. Yeah, 5 days. Yep. And then you can choose how many days you want to stay there. I'm gonna be one day on Sunday. So you can see like the different bands and different singers that you can see on each day. It's really cool, and so then you can just choose which day you want to go to listen your favorite singers and those things. It's cool. Yeah. Great. Brittany is gorgeous. Mm-hmm. It's beautiful, beautiful. It's right. The ocean influences everything. Yeah, it's rocky, rugged seacoast. What do you do there when you're Mostly often boats. Mostly I do sailing boats. Sail. Okay. Yeah, windsurfing, or I don't fish a lot, but I have a lot of friends who do this, and otherwise I spend time with my friends. And there's so many things to do. It's so beautiful, and it just, if you can go there for a summer vacation, they just do it. Don't think about it. Do it. What other songs do you have for us this evening? I brought Stromae. So, yep. It's Papa Outé de Stromae. Okay, here we go. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es,

Dad, Where Are You? And the other one was Joe Dassin in Aux Champs-Élysées. And, well, these are well-known songs. But the interesting thing is that we have a Malo, so we can take the pulse of the French youth and see what are they interested in. And that's really a very interesting, good thing that we get someone who not only is our age, but who really has the finger on what is going on in France. And as you will see, many of the songs that he likes and that his fellow students like also are songs that are almost classic and that we like. But, I mean, at least we hear it now from the horse's mouth. So, and we'll hear a few more, but I have a couple of questions. So, when you were here at school, so you did your academic work, but did you do anything else? I mean, in school or any other programs that you were participated in? Yeah, so besides school, I was in the swim team of my high school. So at the beginning, I didn't know if I will be able to do it because it was kind of like super competitive thing, and I was just like, I just swim like 45 minutes per week, and I knew that they were swimming like maybe 2 hours per day for 3 months, and I was just like, I don't know if I'm gonna do it, but I tried, and it was a really great experience. Like, the swim team was so cool, it was so funny, it was so good atmosphere, everyone like everyone else, it was pretty cool. And I think those are the people that I most like here in America. The my best friends are probably in this swim team. And I really don't regret to do it because I think if you want like have a lot of friends and kind of have a social life here, you need to be like in a club or in the sport team or something like this. Not just go to school and go back home after, which is kind of what we do in France. So at the beginning, I did this for the two first quarter, and when I went to swim to the swim team, it was just like so cool. And I think it's so much different from France. We don't have the thing in France. We just go to school and then go back home, do homework, and the same thing every day. We don't like have those activities. If you want to do sports, you have to be in a club outside from the school, which is very different, you know. So I really liked it, and I'm really sad it's gonna be over. It's over. So, but it was maybe the greatest period of my year. How has your swimming improved? Really well. I'm much better now. I'm much better. Yeah. So I'm probably gonna keep going in France in the club. Just, I don't want to quit now after everything that I did. Yeah, you obtained some pretty high standing there in the swim club, right? Yeah, I got the leather jacket. Yeah, well, that's... Oh, nice. Yes. Yeah, that's pretty cool. What's your specialty? My what? Specialty? What type of, like, stroke when you're swimming? Backstroke? No, I think I'm freestyler. Yeah, I think that's what I do the best. So... Uh-huh. Freestyle. Mm-hmm. Okay. So yeah, the leather jacket. That's pretty cool. I think pretty amazing to be able to bring that home to France. Yeah, maybe I'm going to be the only one in France who have a leather jacket. I think you're an American. Yeah, people were just like, "Oh, that's so cool." Yeah, I know. No, I'm really glad that it was great, great period. So yeah, I get this, and it was pretty cool in a leather jacket. I'm proud of myself. It's exciting. Mm-hmm. So we have some more music? Yes. Let's have some. Are there any songs about swimming? I don't. Or the sea. I got a song about winds. So, so it's Je t'emmène au vent de Louise Attaque. All right. Here we go. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas

how I know that. I was staying there, and I opened the windows, and it was a large windows, like doors. Bang! And it broke the glass. Oh, yeah. No. I can imagine. Yeah, it was the Mistral, not me, really. And before that? So it was 1995, Réel. The group is called 1995. Mm-hmm. Et donc c'est un groupe de rap parisien. Et ils sont très très célèbres en France en ce moment, depuis un petit moment déjà, ils sont connus et ils sont très écoutés par les jeunes, et même pas que par les jeunes, ils sont par beaucoup de personnes. C'est un rap avec pas mal de mélodies, donc les gens apprécient. C'est pas quelque chose de très... c'est pas un rap violent, ce genre de choses, donc c'est, c'est agréable à écouter, je trouve. The group is much admired by young people in France. It's... because it's not violent, mainly, and it's it's wealth of texts, good texts. 1995 is the name of that rap group. Mm-hmm. And then before that, we heard Louise Attack. Je t'emmène au vent. Mm-hmm. That's pretty famous, too. I'll take you to the wind. Mm-hmm. And let's have one announcement, and we'll get back to our special guest. KFAI is supported by the St. Paul Saints, celebrating 23 seasons of baseball, family entertainment, and outdoor summer fun. Sunday, June 21st is KFAI night at the Saints' new stadium in St. Paul's Lower Town. You're invited to join KFAI volunteers and staff at 4 for pregame festivities. Information is available online at saintsbaseball.com. The Saints and KFAI remind listeners that fun is good. All right, we just had, let's have our conversation that we had. So you were able to experience American baseball? Yeah, so I went to a baseball game in September with my host father. And it was pretty good, but at the beginning I didn't really understand how this sport worked. Because we don't really play baseball in Europe. So, and it was kind of my first week, and he tried to explain me. But I didn't understand everything. Mostly, I understood what I was, but it was kind of hard. It was kind of long too, but it was a pretty good experience. I think it's like, I guess it's a really popular sport here, so it was cool to go. Oh yes. Mm-hmm. Was it a good game? Was there lots of action? I don't think so. Maybe I don't remember. It was a long time ago. So I took some French people to a baseball game. It was very boring. Yeah, nothing happened. it's slow, yeah, and it's slow. Sometimes they're very fast and exciting. Mm. Well, what of the team sports do you like? I mean, when you're in France? Not so much, because I don't know like a lot of sport team instead of the soccer team in France, but I don't like soccer, so I don't like those team either. Oh. I don't really follow sport. Oh, yeah, I followed... tennis. We had the French Open in Paris a few weeks ago, Roland Garros, and I follow it. It was pretty good. The French was almost won it, so it was pretty exciting. But what about the Tour de France? Oh, yeah, I follow the Tour de France, I'm sure. But when is that starting? It should start fairly soon. No? Yeah, it's summer, June, July, I think. Yeah. No, I do have another question. I mean, we were talking about, what is the new music that comes out of for the younger people? What are the chansons? And actually, Malo said, well, not so much. What you hear is mostly English or American songs, mm-hmm. and so and they sing these in English, and people kind of like that, or mostly people. I mean. So, France made a lot of music a few years ago. Now we don't make so much. It's more like Stromae, 1995, and other bands. But mostly we listen American bands, British bands, and the thing. I don't know why. Probably because it's newer. I don't know, but that's how it is. So we listen a lot of American pop and rap and those things. It's more like this. People listen, like, for example, listen Edith Piaf so much anymore or the thing. That's how it is. I think it's sad, but you know, before to come here, I didn't listen those songs too. But after 10 months, you're kind of nostalgic about France and you just do whatever you can to be like closer to your country. So you listen to the song and that's I think I feel like much more French than before, because probably I missed the country. Well, I noticed this, you know, the RFI, who sends us programs, has one that says the something like the top 15, which is, and many of those are in English, so that we can't really use them. So very few French in there. But there is some French band they sing actually in English, and in French sometimes both. But so that's why sometimes we think it's not French, but it is. There's, for example, Daft Punk. Mm-hmm. That's French. They sing in English, you know, but they don't really sing, but it's in English. And David Guetta, he's French, but all of his songs are in English and the thing. And Ginzu, there was a couple of years ago, I think they were Belge, but they spoke in English. They sang all their songs in English. Super Who's popular. That? Ginzu, they're just sort of a rock band, kind of like The Killers or Interpol. I don't know, but I know there's a lot of European bands they sing in English, even if they're French or German or something. Huh. What else do you have for us? Actually, I got more Charles Trenet. Oh, we could have Douce France de Charles Trenet. Okay, here we go. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la craie, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense. Ton visage ne sera jamais entier, comme tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Patience comme certitude, collée à trois fils, liée à trois fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, que tu respires, pire. Dans ta nerf, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien, toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. When if you say just one word. Oh, Je vis d'amour et de risque. Quand ça va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à Londres. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFA 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Le programme que vous entendez est Bonjour Minnesota. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous téléphoner au 612 341 09 80 pendant que la musique se joue. Very good. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota, and for comments or questions, call the studio, especially while the music is playing at 612-341-0980. We want to thank our special guests. What did we just hear, Malo? Alors, on a eu... La dernière qu'on a eue, c'était Dalida, Laissez-moi danser. C'est une chanson qu'il y avait beaucoup dans les discothèques il y a quelques années. Maintenant, on n'entend plus trop ça dans les discothèques, mais c'est une chanson assez dansante. On danse assez facilement dessus. Et la chanson juste avant, c'était Christine and the Queens, Saint-Claude. Et donc, elle est très connue. C'est une nouvelle chanteuse qui a été découverte il y a, je dirais, deux ans à peu près. Et j'aime beaucoup écouter. C'est très agréable à écouter. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'elle chante en français et en anglais. Et puis, c'est très connu. Les gens apprécient. Et on a bien sûr eu Charles Trenet, Douce France, qui est la chanson préférée de Louise. On embrasse. You want to hear that in English? Yes. The last one you heard was Dalida singing Let Me Dance. Laissez-moi danser, an old disco tune from probably the 70s, you think? Early 80s, probably. I don't want to say any. And then the one before that was Christine and the Queens singing Saint Cloud, Claude. And he likes her. She's only been discovered for about 2 years, but a very popular young singer, Christine. Her group is called And the Queens. Is there a backup group? No, the group is Christine and the Queens. Oh, okay. Mm-hmm. Then, of course, before that was Charles Trenet, Sweet France. With a shout-out for Louise, who loves that song. Yeah. And we had a special caller, Joe Coffey, call in and remind people to turn on their headlights while they're driving outside at dusk, because it's dangerous out there, and driving without lights on is dangerous. So just a reminder, summertime, The days are getting longer. So we have our special guest, Malo, who's brought a bunch of great music from France, all of his favorites. So what else should we be getting? What time it is in France? Quelle heure est-il en France maintenant? Oui, je pense qu'il est l'heure de dormir, donc je pense que personne n'est en train de nous écouter en ce moment. Il doit être à peu près... À Paris, il est 4 heures du matin, donc personne n'est en train de nous écouter. Et ici, il est 9 heures du soir. Very good. Do we have some announcements for the Alliance Française? Oui. And others too. Of course. I received an announcement of the passing of Roger Verger, le chef mouginois aux 5 étoiles, ambassadeur de la cuisine du soleil et génie de la cuisine française. A very, very famous chef who was in the town of the Moulin de Mougins in southern France. And it was he who started out with the Provençal cooking called Cuisine of the Sun. He was 85 years old. Coming up here is from the Alliance. They are going to be celebrating La Fête de Saint-Jean-Baptiste, or the Quebec National Day, at the home of Mr. Jamshad Merchant, the Canadian Consul General of Minneapolis. If you would like to go, call this number. There is a charge, a reduction in price if you're a member of the Alliance, a little bit more for the general public. It will feature Francine Roche and Mark Stillman performing. If you are interested in knowing, call this number, 612-332-0436, or online at afmsp.org. Well, we hope maybe we can get someone to talk about Saint-Jean next on the 23rd, very big day before. Holiday in Quebec. Yes. Mm-hmm. Let's see what else we have here coming up. Well, we can play another tune. Mm-hmm. Alors, I think I have. Je peux envoyer une. J'ai une chanson. C'est encore français. C'est pas très connu. C'est un peu mon petit coup de cœur du mois. Et ça s'appelle La Vague de Isia. Et donc elle compare sa relation avec quelqu'un, je pense, aux vagues et à l'océan. Donc c'est une très belle chanson. avec toi. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me tanner pour un seul baiser. Pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Programming on KFAI is supported by the second annual Midwest Harmonica Workshop, June 25th through 28th in St. Paul. Our hometown legend Clint Hoover, Todd Parrott, Aki Kumar, and many others will be on hand to teach students of all levels, ranging from first-time players to professionals. Registration and information is available at MidwestHarmonicaWorkshop.com. Well, you heard several great songs there. First of all, the last one was Michel Delpech, Pour un flirt. Tu peux expliquer flirt exactement, parce que en anglais c'est autre chose. Un flirt normalement ce serait avoir une relation avec une fille. Donc là en l'occurrence la chanson c'est quand il parle d'avoir une relation avec une fille. Mais je pense que dans le contexte de la chanson, c'est aller plus loin que juste avoir une relation. C'est plus quelque chose de plus intime que juste avoir une relation. Quoi. Il parle d'un amour assez fort et intime avec quelqu'un. Oui, parce qu'en anglais, tu sais les différences. C'est un verbe d'abord, et ça veut dire de faire des yeux. Quelqu'un. Bon, c'est à peu près la même chose en français. Ouais. C'est autour du même thème, quoi. Et donc, dans cette chanson, il dit qu'il serait capable de faire tout et n'importe quoi pour passer du temps avec cette fille qui veut flirter. Well, that was an explanation he did, because the song we heard was For a Flirt by Michel Delpech, which has a slightly different meaning. It means a relationship, maybe of a passing kind. Mm-hmm. And before that, you heard, did we announce? Izia. Easier, la vague. The wave. Okay, you want to hear a couple of announcements? Please. From the Alliance, the On Saturday the 20th at 7:30, there will be an evening of music and literature featuring pianists Jim Riley and Peter Arnstein performing Ravel, Debussy, and Grieg. Poet Yvonne Peralta will read her original French works. Proceeds from this event will benefit the Piano Repair Fund of the Alliance Française. On Sunday, oh, this really sounds like fun, the 21st, this Sunday, from 11 to 2:30, Club Velo, French Bike Club, is kicking off with an inaugural Father's Day ride. It will begin at the Nice Ride Station at Lake Street and Knox Avenue. They will stop for, oh, a snack or a brunch at Le Temps Talk Diner, which is run by Emilie, a French woman from Marseille. So you can find out more about that if you go online at afmsp.org. Here's some more. Coming up Monday, the 22nd, is the La Fête de Saint-Jean-Baptiste, the Quebec National Day. And there will be a party, we announced that earlier, at the council's house for celebrating. On Thursday the 25th from 6 to 8 p.m., Aimé César, l'auteur universel, he is one of the most respected writers of the 20th century, one of the fondateurs de la négritude, founders of blackness, and a politician. To celebrate this great writer and his importance in la diaspora, the spreading of the black people, we present César, auteur universel. This presentation will be in French, 6 to 8, Thursday the 25th at the Alliance. Friday the 26th at 7 p.m., the Ciné Club. The Ciné Club is going to be showing Chante ton bac d'abord. Did you see that? Chante ton bac d'abord, a film from 2013, will be shown at the Alliance. Oh, non, je savais pas. No. It's free and open to all. On the Tuesday, the 30th, from 6 to 8, is the annual meeting of members. You can go online to find out more. There's all kinds of wonderful classes going on, summer classes, short workshops, like Cinema with Jim, Stories of French Grammar with Sandrine, L'Afrique subsaharienne, or workshops. There's going to be something about on Tuesday, the 23rd of June, from 5 to 8, L'été festif au Québec with Francine Roche, who is French-Canadian herself, Québécoise. And another one on July 7th, 9 to noon, Pop Goes the Art. Take your family, if you are a member of the Alliance, a special discount to see Peter Pan the Musical at the Children's Theater Friday, June 19th at 2 p.m. at special price. Mark your calendar for Bastille Day 2015, Saturday, July 11th, West 7th Place in St. Paul. Join the annual celebration from 2 to 8 p.m. West 7th Place in St. Paul. This is a partnering with Dakota Jazz Club and their new opening. Vieux Carré. And the is that show for Burrell still playing at the... Yes, it is. It certainly is. And I saw it last Friday. It was absolutely terrific. They were our guests here on the station. Jacques Brel, When We Only Have Love, is playing until the 21st. I will give you the number of the theater so you can order your tickets. They have been completely sold out. It's a small little gem of a theater with only 90 places in it. Their number of the, it's called the Open Eye Figure Theater, 612-874-6338. The stars of the show were on our program last week, and I'm telling you, in person, it was even greater. They were terrific here. Better. What are the days that they are playing, just to make sure? I don't have the days. I know they're up until and including the 21st. Okay.

tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Programming on KFAI is supported in part by Allina Health's Life Course Project, working to reshape care to focus on what matters most to people in the last stages of life. Information is online at lifecoursemn.org. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks for supporting Community Radio. Well, we heard Jacques Brel in Madeleine and in Ne me quitte pas. And this, actually, these two songs, you will hear them in the show that is presented at the Open Eye Theater by the group. And the title of the show is When We Have Only Love. And this is, well, it's a group that is kind of more on an ad hoc basis. Mm-hmm. It's Chouinard. It's Dan Chouinard. Dan Chouinard. It's Johnson. Pardon? Bradley Greenwald. Bradley Greenwald. And mm-hmm. and the lady is, the Prudence, two ladies are Prudence Johnson. Prudence Johnson and Diana Grasselli. Yeah. And you will hear them if in you addition, go. There was a guitarist, Tim Sparks, and a cellist. I don't have her name right here. Oh, Michelle Kinney is her name. The number to call for tickets or for more information is the box office at the Open Eye Figure Theater. The show is playing until the 21st. Don't miss it. It was really great. I saw it. The number there is 612-874-6338. Alors, je voudrais juste passer un petit message. Alors, je voulais passer un message à ma famille d'accueil qui sont sûrement en train de m'écouter en ce moment. Je voulais leur dire un grand, grand merci et leur dire à quel point je les aime très, très fort et que grâce à eux, cette année a été superbe et que franchement, c'était juste magnifique et c'était une superbe année que j'oublierai jamais et que je les oublierai jamais. Ils resteront toujours dans mon cœur. Et que si certaines personnes veulent accueillir des étudiants d'échange pour l'année prochaine ou dans deux ans, qu'ils le fassent, parce que je peux vous assurer que c'est une super expérience et vous n'allez pas le regretter. Et encore merci, merci du fond du cœur à Steve, Karine et à Isabelle surtout, qui est ma petite sœur d'accueil et que j'aime beaucoup. That was very touching. Thank you. That was a thank you for his host family, Steve and Karen and their daughter, who's now what? She's seven. She's seven. Yep. Seven, yes. She's in French immersion school. In French immersion school, Isabelle. Yes, mm-hmm. And he said he's very touched in his heart, and he loves them both and all of the family, and that he had a super, super time. And that if anybody's thinking about hosting people, it's just a wonderful experience. And I know that the French Immersion in St. Paul is looking for host families as well. Mm-hmm. Yeah. So if you have the opportunity, it's a great exchange, not just for the person who comes here to learn English, but also a great experience for speaking French. Yeah, you learn another culture from this student, and I think, because I was the student, but yeah, I think... Both part, the family and the student can learn so many things from each other. It's a really great experience. And when you're an exchange student and you're waiting for your host family, you feel like the time is really, really long, and you're just like, I hope someone will choose me. So if you have the opportunity to do it, do it. It's a really great thing to do, I think. Should we have some more music? Mm-hmm. On pourrait mettre du Barbara. Dis, quand reviendras-tu? Okay. Oh, beautiful. Hasek, here we go. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Nous fait mignon, bien tendrement. Homme s'aime tous les amants. Et puis un jour, tu m'as quitté. Depuis, je suis désespéré. Je te vois partout dans le ciel. Je te vois partout sur la terre. Tu es ma joie et mon soleil. Ma nuit, mes jours, mes aubes claires. Tu es partout car tu es dans mon cœur. Tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente que toi. Des fois je rêve que je suis dans tes bras. À l'oreille tu me parles tout bas. Tu dis des choses qui font fermer les yeux. Et moi je trouve ça merveilleux. Peut-être un jour tu reviendras. Je sais que mon cœur t'attendra. Tu ne pourras pas oublier les jours que nous avons passés. Mes yeux te cherchent sans arrêt. Écoute bien, mon cœur t'appelle. Nous pourrons si bien nous aimer. Tu verras, la vie sera belle. Tu es partout car tu es dans mon cœur. Tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente toi. Et toi je rêve que je suis dans tes bras. Et qu'à l'oreille tu me parles tout bas. Tu dis des choses qui font fermer les yeux. Et moi, je trouve ça merveilleux. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là, on n'y pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que sonne l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent que ce n'est pas bon. Des adieux à jamais, je suis heureux, je te dis que je irlandaise. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est là. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Donc, la dernière chanson qu'on a écoutée, c'était Serge Gainsbourg, Je suis venu te dire que je m'en vais. Donc, très connu. Et on a eu juste avant Édith Piaf, Tu es partout. Et la première, c'était Barbara dit Quand reviendras-tu. Qui sont des chansons que j'apprécie énormément. You heard several songs that Malo really likes himself. First of all, the last one was Serge Gainsbourg. With I've come to tell you that I'm going away. And by, in front of that was Edith Piaf, You're Everywhere. And the first one was Barbara in a very, very well-known song. Tell me, when are you coming back? Sad. Programming on KFAI is supported in part by UCARE, proud to sponsor the Great River Energy Mesabi Trail Bike Tour on Saturday, August 1st. The Mesabi Trail Tour is a day-long biking event for families and serious riders with a picnic, concert, and routes ranging from 11 to 72 miles. More information available at mesabitrail.com. The tour is supported in part by UCARE, working to bring quality health coverage to Minnesotans across the state for more than 30 years through innovative services and partnerships. More information at ucare.org. Well, I have a few announcements to make about upcoming guest appearances. So we will have Jamshed Marchand, the Consul General of Canadian General Consul, who will be on the show on June 30th. And that's just one day before Canada Day. So that just fits in very nicely. So we will then talk about, well, what is a Consul General of Canada? What are his duties? How large an area does he have to deal with, etc. And then we will have on July 7th Emma Mahan, who is the young sophomore, the young lady who has documented the fate of two Midwesterners that died on D-Day and in the Battle of France. And the Normandy. So those are the two that you should maybe put on your calendar and listen to. Wonderful. So good shows coming up in the next couple of weeks. And Malo, our special guest from France who's leaving so soon, what songs do you have for us? Some last songs for the evening? J'ai Voilà, c'est fini, de Jean-Louis Aubert. Oh, we have a couple more songs before that one, I think, that we have. J'ai Stromae, Tous les mêmes. Okay, here we go. Vous les hommes et tous les mêmes. Macho méchu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance pour vous seuls. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère.

So what do we just hear? We just hear Marc Lavoine, Toi mon amour. Et juste avant, c'était Tous les mêmes de Stromae. Stromae qui est très connu et qui va d'ailleurs revenir ici à Minneapolis, je crois, en... Dans quelques mois. Cet été ou en septembre. That was Marc Lavoine, the last one, with You, My Love. And before that was Stromae, who is a huge success, a Belgian singer. All the same, he will be back here for a concert in Minneapolis, probably another sellout, in September. All right. And we have just a couple more songs left. Okay. Song or two. So we have La Montagne de Jean Ferrat, very famous one. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. That was Jean Ferrat with The Mountain. Mm-hmm. And je crois before que that, we have Stromae, was that it? Yep, we had Stromae, Tous les mêmes, but we already talked about it. It was already announced, yes. So I think we're getting to the end of the program, so we're going to have to say goodbye. Yeah, goodbye. Thank you so much. It was pretty cool. And au revoir. Et I would just like to say gros bisous à ma famille en France, que je vais bientôt revoir, et puis bonne chance à mes amis qui vont avoir leur baccalauréat d'ici quelques jours, leur oral de français, leurs oraux de français et leurs épreuves écrites. Donc bonne chance à eux, je pense que certains vont m'écouter en replay sur internet. Voilà, je vous fais un gros bisou à tous, merci. Merci d'être venu. Oui, merci d'être merci venu. Beaucoup. Vraiment, Malo, c'était très vraiment belle. Un plaisir. Merci. Quelle est la dernière chanson? Je pense qu'on peut dire « Voilà, c'est fini » de Jean-Louis Aubert pour bien conclure. Ok. À la semaine prochaine. À la semaine. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez. Car c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je te retrouverai. Car c'est fini. C'est fini. Me dire qu'on éviterait le pire, qu'il fallait mieux couper plutôt que déchirer. J'ai fini par me dire que peut-être on va guérir, et que même si c'est non, et que même si c'est con. You're listening.